travailler. L'éducation donnée, l'été pareil pour toutes enfants et plus tard, chacun de son direction. Vous l'avez souci, si elle était malade et si l'autre était à prendre mal l'école. Nous l'été petit, nous t'éprends tout à la rigolade et pour nous, tous les jours papillon vole. Je t'aime, premier regard, mon premier flair, destiné à ma reine, à ma mère. Sentiment, où moi les grands, m'y espère que de moi on les fiers. Personne, non, personne va remplacer mon moment jusqu'au dernier battement de mon cœur. Personne va remplacer mon moment jusqu'au dernier battement.